السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a Al-Qabidh al-Basit. Parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a Al-Qabidh al-Basit. وقد ورد هذا الاسم في السنة النبوية ففي السنن ومسند أحمد رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله لو سعرت، فقال إن الله هو الخالق القابض الباسط الرازق المسعر، وإني لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال. والباسط أي الذي يبسط رزقه لمن شاء من عباده، والقابض أي الذي يضيق أو يحرم من شاء منهم من رزقه لما يرى سبحانه في ذلك من المصلحة لهم. فقال تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. Donc, parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a le Qabidh al-Basit. Et cela a été affirmé et pris de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En effet, dans As-Sunan et dans le Musnad de l'imam Ahmad, rahimahullahu ta'ala, selon Anas ibn Malik, qui nous dit, à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, les prix montèrent. Donc il y a eu une inflation, bien une augmentation des prix. Ils lui ont donc dit, ô messager d'Allah, si tu fixais les prix, il répondit, certes, Allah, c'est lui le créateur, c'est lui qui retient et qui étend, c'est-à-dire donne avec largesse, générosité, al-raziq, le pourvoyeur, al-musa'ir, celui qui fixe les prix. وإني لأرجو أن ألقى الله، et j'espère rencontrer Allah sans que quiconque me réclame réparation pour une injustice commise envers lui. Que ce soit un droit de sang ou d'argent. Que ce soit un droit relatif au sang ou encore à l'argent. Al-Basit signifie celui qui étend la subsistance à qui il veut parmi ses serviteurs. Al-Basit, c'est celui qui étend la subsistance ou sa subsistance à qui il veut parmi ses serviteurs. Quant à Al-Qabidh, cela signifie celui qui restreint, celui qui retient ou prive, subhanahu wa ta'ala, l'alim al-hakim. Je répète, al-qabidh signifie celui qui restreint, resserre ou prive qui il veut parmi eux, c'est-à-dire ses serviteurs. En matière de subsistance, Allah tabaraka wa ta'ala donne avec largesse à qui il veut parmi ses serviteurs. C'est al-basit. Mais c'est aussi al-qabidh. Il retient et resserre ou encore prive qui il veut parmi ses serviteurs. Et cela, de par ce qu'il voit comme sagesse, de par ce qu'il voit comme intérêt et utilité pour ses serviteurs. En d'autres termes, lorsqu'Allah Azza wa Jal prive le serviteur, ou resserre ce qu'il lui donne, ou diminue ce qu'il lui donne, ça n'est pas parce qu'Allah Azza wa Jal n'est pas capable. Ça n'est pas parce qu'il n'est pas généreux. Ça n'est pas parce qu'il n'est pas miséricordieux ou bienfaiteur. Non. Mais de par sa science et sa sagesse, Allah tabaraka wa ta'ala fait ainsi. Il y a une sagesse derrière cela. C'est que ce qui est bon pour tel serviteur, ce qui est utile et profitable pour tel serviteur, c'est de lui restreindre les donations et sa part de subsistance. Ainsi, dans Suratu Ash-Shura, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, selon la traduction des sens du verset, si Allah attribuait ses dons avec largesse à tous ses serviteurs, il commettrait des abus sur la terre. Mais il fait descendre avec mesure ce qu'il veut. Il connaît parfaitement ses serviteurs et il en est clairvoyant. Donc on voit clairement ici la sagesse dans le fait de retenir certaines donations, de priver certaines personnes ou de diminuer de ce qu'on leur donne. Pourquoi? Parce qu'une partie de ces derniers auraient commis des abus sur la terre. Ils auraient transgressé. Certains, parmi les serviteurs, la richesse est pour eux un mal. Ça les éloigne de la droiture, ça les éloigne de la piété, ça les éloigne de la mosquée, ça les éloigne de l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. Et d'autres, ça les rapproche de la reconnaissance, de l'humilité, de l'aide portée aux proches, aux orphelins, aux veuves et autres actions, autres actes de bienfaisance. فالقبض التضييق في الرزق والبسط التوسعة فيه والإكثار منه وكل ذلك بيد الله عز وجل فهو القابض الباسط الخافض الرافع المعطي المانع المعز المذل لا شريك له. L'auteur, الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى, nous dit: Al-qabd, c'est le fait de resserrer ses dons en subsistance. Al-qabd, c'est la restriction qui s'exprime par la limitation de la subsistance accordée. Al-bast, c'est le contraire, c'est l'extension. C'est l'extension, c'est-à-dire le fait de donner la subsistance avec largesse et en abondance. Et tout cela est dans la main d'Allah. Tout cela se trouve entre les mains d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Car c'est lui qui retient et c'est lui qui fait largesse. C'est lui qui élève et abaisse, c'est lui qui donne et prive, c'est lui qui honore et avilit. Il n'a point d'associé, c'est-à-dire dans tout cela. Allah tabaraka wa ta'ala, l'ordre tout entier est dans sa main. C'est lui qui décide s'il te donne, s'il nous donne avec largesse et abondance. C'est aussi lui qui décide s'il restreint ou prive et resserre les donations. C'est lui qui élève et rabaisse. C'est lui qui donne et retient et prive. C'est lui qui honore et avilit. Il n'a pas d'associé. Dans Surat al-Baqarah, qala ta'ala, wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilayhi turja'un. Dans Surat al-Baqarah, et c'est Et Allah restreint ou étend, c'est-à-dire ses donations, ses faveurs, et c'est à lui que vous retournerez. Et c'est à lui que vous retournerez. Ibn Jarir al-Tabari, rahimahullah ta'ala, nous dit dans l'exégèse de ce verset, يعني تعالى ذكره بذلك أنه الذي بيدي قبض أرزاق العباد وبسطها دون غيري ممن ادعى أهل الشرك به أنهم آلهة واتخذوه ربا دونه يعبدونه وذلك نظير الخبر الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أنس رضي الله عنه قال غلا سعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله غلا سعر فأسعر لنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله الباسط القابض الرازق أو إن الله الباسط القابض الرازق وإني لأرجو أن ألقى الله ليس أحد يطلبني بمظلمة في نفس ومال. ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى nous dit au sujet de la parole d'Allah Azza wa Jal dans Sourate Al-Baqara, c'est-à-dire que c'est Allah qui donne avec abondance ou avec restriction. Et c'est vers lui qu'on retournera. قال ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسيرها, c'est-à-dire élever, soit sa renommée, que c'est lui qui a dans sa main la subsistance des serviteurs. C'est dans la main d'Allah Azza wa Jal que se trouve la subsistance de ses serviteurs. C'est lui, subhanahu wa ta'ala, qui donne avec largesse sans que personne en dehors de lui ne puisse le faire. C'est lui qui a dans sa main le pouvoir de retenir ce qu'il donne à ses serviteurs, et c'est lui qui a dans sa main le pouvoir de donner avec largesse ce qu'il accorde, sans que puissent se mêler à cela les fausses divinités qu'ont prétendu les associateurs. Celles qu'ils ont pris en seigneur en dehors d'Allah Azza wa Jal et qu'ils se sont mis à adorer. Et ceci est proche de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a été rapportée selon Anas. Puis il a mentionné le hadith. C'est-à-dire qu'au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les prix ont augmenté. Ils ont donc dit ô messager d'Allah, si au message d'Allah les prix ont augmenté, si tu les déterminais, si tu les fixais, alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes Allah est, ou certes Allah est, na'am, celui qui donne avec largesse, celui qui retient, c'est le pourvoyeur. Et j'espère rencontrer Allah sans avoir opprimé qui que ce soit. Et j'espère, na'am, j'espère rencontrer Allah sans que quiconque me réclame réparation pour une injustice relative à la vie d'une personne ou au sang d'une personne ou encore à son argent. Ya'ni bidhalika أن الغلاء والرخص والسعة والضيق بيد الله دون غيره فكذلك قوله تعالى ذكره والله يقبض ويبسط، يعني بقول يقبض يقتر بقبضه الرزق عمن يشاء من خلقه، ويعني بقول ويبسط يوسع ببسطه الرزق على من يشاء منهم. وقوله وإليه ترجعون أي وإلى الله معادكم أيها الناس، فاتقوا الله في أنفسكم أن تضيعوا فرائضه وتتعدوا حدوده، وأن يعمل من بسط عليه منكم في رزقي بغير ما أذن له بالعمل فيه ربه، وأن يحمل المقتر منكم فقبض عنه رزقه اقتاره على معصيته والتقدم على ما نهاه، فيستوجب بذلك منه بمصيره إلى خالقه ما لا قبل له به من أليم عقابه. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala à lui seul appartient le pouvoir de faire augmenter les prix ou de les faire diminuer. À lui seul appartient le pouvoir de donner avec largesse. À lui seul appartient le pouvoir de resserrer ce qu'il accorde à ses serviteurs. Dans sa main, à lui seul appartient tout cela. Et nul autre, en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala, ne peut s'associer à Allah tabaraka wa ta'ala dans cela. Donc la hausse ou la baisse des prix, l'abondance ou la pénurie, le tout se trouve dans la main d'Allah et nul autre que lui. Pareillement, élevé soit sa renommée, dans la parole d'Allah Azza wa Jal, Wallahu yaqbidu wa yabsut, c'est Allah qui décrète l'abondance ou la parcimonie. C'est-à-dire, yaqbidu, donc il retient, c'est-à-dire qu'il retient la subsistance de qui il veut parmi ses créatures. Wa yabsutu, il décrète l'abondance, c'est-à-dire qu'il déverse, ou bien qu'il accorde avec abondance la subsistance à qui il veut parmi ses serviteurs. Quant à sa parole, wa ilayhi turja'un, et c'est vers lui que se fera votre retour. C'est-à-dire, ô vous les gens, c'est vers Allah que vous retournerez. Craignez-le donc en vous-même, à votre sujet, et ne négligez pas ses obligations, et ne transgressez pas ses limites. Ne transgressez pas ses limites. Il ne faut pas que celui à qui Allah Azza wa Jalla a donné avec largesse désobéisse à son Seigneur. Donc celui à qui Allah Azza wa Jal a donné des richesses, il ne faut pas que ses largesses en matière de subsistance le poussent à agir avec ses biens en contradiction avec ce que son Seigneur lui a permis. De même, quiconque a subi la restriction de la part d'Allah et cette privation en subsistance ne doit pas le pousser à désobéir à Allah tabaraka wa ta'ala en s'adonnant à des actes qu'il a interdits. Ça, c'est un point très important. Celui à qui Allah azza wa jal a décidé de sa modestie, celui à qui Allah Azza wa Jal a décidé de resserrer ses donations à son égard, cette privation ou cette restriction, plus précisément, ne doit pas pousser ce serviteur à désobéir à Allah Azza wa Jal, le savant, le sage, al-qabid al-basit. Il ne doit pas s'avancer pour autant dans ce que son Seigneur ne lui a pas permis, vers ce que qu'Allah Azzawajal a interdit. Car si il commet les interdits, il ne pourra pas les justifier avec la pauvreté. S'il commet les interdits, on nous dit ici, ça engendrera la punition la plus dure auprès d'Allah Azzawajal. Une punition qu'il ne pourra pas braver. Une punition qui est très douloureuse. Fafi hada siyaq. Et avant de poursuivre, beaucoup désobéissent à Allah Azzawajal, ou volent, ou commettent des crédits avec intérêt, ou travaillent dans l'illicite, en transportant ou en vendant de l'alcool, ou de la viande de porc, ou non halal. Et l'excuse avancée est « je suis dans le besoin ». Si nous sommes dans le besoin, nous devons nous diriger vers le maître de nos besoins, Allah tabaraka wa ta'ala, lever les mains vers lui. Si nous sommes dans le besoin, nous devons nous éloigner de tout ce qui fait écran entre nous et la largesse, comme les péchés, comme le fait de compter sur notre intelligence et notre savoir-faire, comme le fait de retarder les prières obligatoires, comme le fait de ne pas se lever tôt, et ainsi de suite. Comme le fait de délaisser les sirfar. Toutes ces choses-là sont des causes pour ne pas obtenir de largesse dans la subsistance accordée et reçue. Donc il faut faire attention à cela. La pauvreté ne rend pas licite les péchés. La pauvreté ne rend pas licite la désobéissance d'Allah Azza wa Jal. Donc on nous avertit ici en nous disant « Wa ilayhi turja'un » et c'est vers lui que vous retournerez, vers Allah Azza wa Jal, vous retournerez. فَفِي هَذَا السِّيَاقِ تَنْبِيهٌ لِمَنْ بَسَطَ اللَّهُ لَهُ فِي مَالِهِ أَوْ عِلْمِهِ أَوْ مَكَانَتِهِ أَنْ يُنْفِقَ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ وَأَنْ يُحْسِنَ إِلَى عِبَادِ اللَّهِ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْهِ وَمَنْ ضُيِّقَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ فَلْيَلْجَأْ إِلَى اللَّهِ وَحْدَهُ طَلَبًا مَدَّهُ وَعَوْنَهُ وَفَضْلَهُ مُعْتَقِدًا أَنَّهُ لَا بَاسِطَ لِمَا قُبِضَ وَلَا قَابِضَ لِمَا بُسِطَ وَلَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَى وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعَ كَمَا قَالَ نَبِيُّنَا يَوْمَ أُحُدٍ حِينَ انكفأ الْمُشْرِكُونَ قال استو حتى أثني على ربي فصاروا خلفه صفوفا فقال اللهم لك الحمد كله اللهم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت ولا هادي لما أضللت ولا مضل لمن هديت ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت ولا مقرب لما بعدت ولا مباعد لما قربت اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف اللهم إني عائذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعت اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك واجعل عليهم رجزك وعذابك اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق رواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد رحمة الله عليهم. Ici, on attire notre attention concernant ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala a accordé ses largesses, que ce soit dans l'argent, que ce soit dans la science, que ce soit dans le statut éminent, afin que ces derniers dépensent dans le chemin d'Allah, tout comme Allah leur a donné. Tout comme Allah leur a donné, il faut à leur tour eux qu'ils donnent. Il faut à leur tour eux qu'ils donnent. Donc, Allah Azza wa Jalla t'a donné de l'argent, il t'a donné de la science, il t'a donné un poste, une place. Utilise ces bienfaits d'Allah Azza wa Jalla. Utilise ces bienfaits d'Allah Azza wa Jalla afin d'être bienfaisant envers les serviteurs d'Allah. Tout comme Allah a été bienfaisant envers toi. Quant à celui à qui Allah Azza wa Jal a restreint ses donations, il doit se réfugier auprès d'Allah Azza wa Jal uniquement, recherchant auprès de lui aide et assistance, recherchant auprès de lui sa grâce et ses bienfaits, en ayant comme croyance ferme que nul ne peut retenir ce qu'Allah veut donner et nul ne peut étendre ce qu'Allah retient. Nul ne peut octroyer ce qu'Allah Azza wa Jal prive. Nul ne peut retenir ce qu'Allah donne et nul ne peut donner ce qu'Allah retient ou prive. Tout comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour de Uhud, lorsque les associateurs ont reculé, le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam a dit aux compagnons, mettez-vous en rang afin que je fasse les éloges de mon Seigneur. Ils se sont donc mis en rang derrière lui. Le prophète alayhi salat wa salam a invoqué Allah tabaraka wa ta'ala en disant « Ô Allah, toutes les louanges te reviennent de droit. Ô Allah, nul ne peut retenir ce que tu donnes, ni donner ce que tu retiens. Nul ne peut guider celui que tu égares, et nul ne peut égarer celui que tu guides. » Nul ne peut attribuer ce que tu as refusé d'accorder. Nul ne peut attribuer ce que tu as refusé. Nul ne peut donner ce que tu as refusé d'accorder. Et nul ne peut priver celui à qui tu as accordé. Nul ne peut rapprocher celui que tu as éloigné, et nul ne peut éloigner celui que tu as rapproché. Ô Allah, déverse sur nous tes bénédictions, ta miséricorde, ta grâce et ta subsistance. Ô Allah, accorde-moi une félicité éternelle qui ne connaît ni changement ni fin. Ô Allah, accorde-moi tes bienfaits, na'am. Ô Allah, je te demande ta faveur le jour de la pauvreté, la sécurité le jour de la peur. Ô Allah, je me réfugie auprès de toi contre le mal de ce que tu nous as donné et de ce que tu as retenu. Ô Allah, fais-nous aimer la foi et embellis-la dans nos cœurs, et fais-nous détester la mécréance, la perversion. Et joins-nous au nombre des bien guidés. Ô Allah, fais-nous mourir qu'en pleine soumission, et fais-nous vivre en pleine soumission, c'est-à-dire musulmans. Et fais-nous rejoindre les gens vertueux, ou bien les hauts degrés, sans nous humilier ni nous éprouver. jusqu'à la fin du hadith. وقد ورد ذلك البسط وقد ورد ذكر البسط والقبض مضافا إلى الله عز وجل في نصوص كثيرة من الكتاب والسنة. فقال تعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرح بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. وقال تعالى إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعبادي خبيرا بصيرا. وقال تعالى قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال تعالى قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عبادي ويقدر له وما أنفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقال تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فدلت هذه النصوص ونظائرها أن القبض والبسط كله بيد الله تبارك وتعالى وبتصريفه وتدبيره سبحانه يبسط لمن يشاء من ماله أو عافيته أو عمره أو عمله أو حياته ويقبض وهو الحكيم الخبير. Les termes de Al-Bast et Al-Qabd, fait de donner et de retenir, ont été cités en annexion à Allah subhanahu wa ta'ala dans de nombreux textes du livre, c'est-à-dire le Coran et de la Sunna du prophète alayhi salatu wa salam. Dans Suratu Ar-Ra'd, Allah étend largement ses dons ou les retient à qui il veut. Et ils se réjouissent de la vie sur terre, mais la vie d'ici-bas ne paraîtra que comme une jouissance éphémère en comparaison de l'au-delà. Dans Suratu Al-Isra ou Al-Saba, mon Seigneur dispense avec largesse ou restreint ses dons à qui il veut, mais la plupart des gens ne savent pas. Dans l'autre verset dit, mon Seigneur dispense avec largesse ou restreint ses dons à qui il veut parmi ses serviteurs. En toute dépense que vous faites, et toute dépense que vous faites, il la remplace et c'est lui le meilleur des donateurs. Dans Suratu Al-Ma'ida, ses deux mains sont largement ouvertes. Il distribue ses dons comme il veut. Il distribue ses dons comme il veut. C'est texte que nous venons de mentionner et d'autres textes semblables nous montrent qu'Allah tabaraka wa ta'ala dans sa main et à lui seul appartient le pouvoir de restreindre, de retenir et de donner avec largesse. C'est lui le gérant qui dirige tout et qui décide de tout, qui décide de donner avec largesse à qui il veut, de l'argent, la santé, la longévité de la vie, les œuvres, et la santé. Et c'est lui également qui décide de retenir. Et c'est lui également qui décide de retenir. Et c'est le savant, le parfaitement informé. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى في التعليق على قول ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته هو قابض هو باسط هو خافض هو رافع بالعدل والميزان يعني أنه القابض للأرزاق والأرواح والنفوس الباسط للأرزاق والرحمة والنفوس وهو الخافض لأقوام الرافع لآخرين وذلك كل عدل من الله وحكمة يحمد عليه أتم الحمد وأكمله قال تعالى والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون وقال تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض فقبضه نعمة في حق عباده المؤمنين لأنه يمنعهم به من البغي والظلم والعدوان قال تعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وقال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وقال تعالى بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وإن كان الله تعالى هو القابض الباسط الخافض الرافع قدرا وقضاء فلا يمتنع أن تكون هذه الأمور بأسباب من العباد ما تقام بها حصلت لهم، وهذا هو الواقع. فإن الأسباب محل حكمته وسنة الجارية التي لا تتبدل ولا لا تتبدل ولا تتغير. Le grand savant عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي رحمه الله تعالى nous dit en commentaire du poème du grand savant Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dans sa Nouniyya. Concernant le passage, c'est lui qui retient et qui étend, c'est lui qui abaisse et qui élève par équité et par mesure. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui retient les subsistances, les âmes et les personnes. Et tout comme c'est lui qui étend, ou plutôt tout comme c'est lui qui abaisse les gens et en élève d'autres. Je reprends. Allah tabaraka wa ta'ala est celui qui prive et qui restreint en matière de subsistance d'âme et de personne, et c'est également lui qui donne avec largesse en matière de subsistance, de miséricorde et de personne. Il élève certaines personnes et en rabaisse d'autres. Et tout cela, et dans tout cela, il est juste et équitable. Et ça n'est que sagesse de sa part. C'est-à-dire que lorsqu'Allah élève certaines personnes, en rabaisse d'autres, donne la richesse à certaines personnes et donne la pauvreté à d'autres, dans tout ce qu'Allah Azza wa Jal fait, il a été juste et il a fait avec sagesse. Et ces actions d'Allah Azza wa Jal, ces actions qu'Allah Azza wa Jal fait, pour cela nous devons le louer. Il mérite la louange et les éloges de la manière la plus parfaite. Et dans Suratul Baqarah, comme nous l'avons déjà mentionné, c'est Allah qui décrète l'abondance ou la parcimonie, et c'est vers lui que se fera votre retour. Et dans Suratul Shura, comme nous l'avons déjà mentionné, si Allah avait accordé sans mesure ses richesses aux hommes, ces derniers auraient commis les excès sur la terre. Donc, pour le croyant, celui qui a la foi, c'est un bienfait d'Allah lorsqu'Allah le prive de certains bienfaits. Pourquoi ? Ibn Sa'd rahimahullah ta'ala nous dit, parce que c'est dans l'intérêt du croyant qu'Allah Azza wa Jal retient ses donations et la subsistance. Dans la mesure où il l'empêche de transgresser les limites, où il empêche le croyant de transgresser les limites et de commettre l'injustice et le péché. De commettre l'injustice et le péché. Dans Surat Ar-Ra'd, sur la traduction, Allah prodigue ses dons ou les mesures à qui il veut. Et dans Surat Fatir, c'est vers lui que monte la bonne parole et c'est lui qui accueille toute bonne action. Vers lui monte la bonne parole, quant à la bonne action, il l'élève. Dans Suratu An-Nisa, bal rafa'ahu Allahu ilayhi, wallahu azizun hakim. Mais Allah l'a élevé vers lui, car Allah est puissant et sage. Tout cela nous montre quoi? que c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui décrète tout, qui décide de tout, qui élève qui il veut, qui rabaisse qui il veut. Et si c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui retient et octroie, élève et abaisse, par décret et prédestination, il n'empêche que tout se réalise selon les méthodes mises en œuvre par le serviteur. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal a rattaché cela à des causes. Le fait qu'Allah soit celui qui élève, rabaisse, celui qui donne, qui retient, celui qui resserre et donne avec abondance, n'empêche aucunement que ces choses-là soient rattachées à des causes mises en œuvre par les serviteurs. Mise en œuvre par les serviteurs. Dès lors qu'ils les emploient, ils obtiennent ce qui leur est destiné. Ils obtiennent ce qui leur est destiné. Et c'est ce de quoi nous pouvons tous témoigner dans la réalité des choses. C'est la réalité des choses, les moyens découlent de sa sagesse et de la loi agissante qui ne subit aucun changement, aucune altération. La parole d'Ibn Sa'di, rahimahullah ta'ala, s'arrête ici. وقد جمع بين هذين الأمرين في قوله صلى الله عليه وسلم من أحب يبسط له في رزقه وينسأ له في عمره فليصل رحمه متفق عليه. Et le prophète عليه الصلاة والسلام a uni entre ces deux principes lorsqu'il dit que celui qui aime avoir une subsistance abondante et une longue vie lie les liens de parenté. Celui qui veut obtenir la richesse, la largesse dans la subsistance, et qui veut qu'Allah Azza wa Jal allonge sa vie, qu'il lie les liens de parenté. Qu'il lie les liens de parenté. فَبَسْتُ الرِّزْقِ بِيَدِ اللَّهِ وَصِلَةُ الرَّحِيمِ سَبَبٌ وَبَذْلُ الْعَبْدِ وَكَذَلِكَ كَوْنُ الْمُسَعِرِ وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلْ لَا يَمْنَعْ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ أَسْبَابٌ يَبْذُلُهَا الْعَبْدُ يَزُولُ بِهَا الْغَلَاءُ وَيَحْصُلُ بِهَا الرُّخَصُ كَمَا قِيلَ لِأَحَدِ الْأَفَاضِلِ لَقَدْ غَلَتِ الْأَسْعَارُ لَقَدْ غَلَتِ الْأَسْعَارُ فَقَالَ أَرْخِصُوهَا بِالتَّقْوَى أَرْخِصُوهَا بِالتَّقْوَى اللَّهُ أَكْبَرُ. Donc on voit dans le hadith du prophète alayhi salatu wassalam qu'il a mentionné un but et les a rattachés à des causes. Le but c'est quoi? C'est avoir une subsistance abondante, une longue vie. Et la cause, c'est lier les liens de parenté. D'accord. Qui est-ce qui donne la subsistance? Et qui est-ce qui décide le moment de la mort de chacun d'entre nous? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Pourtant ici, le prophète alayhi salatu wa salam nous mentionne la cause pour obtenir la longévité et l'abondance en matière de subsistance. Et lier les liens de parenté. Lier les liens de parenté, commençant par les parents, les enfants, frères, sœurs et autres, oncles, tantes. C'est Allah qui assure l'aisance, mais c'est le maintien des liens de parenté qui va permettre aux serviteurs d'en bénéficier. De même, le fait qu'Allah détermine les prix n'empêche pas que le serviteur puisse faire les causes pour repousser l'augmentation des prix et les faire diminuer. C'est pour cela que jadis on se plaignit à un homme pieux. Des gens sont partis se plaindre à cet homme pieux et lui ont dit les prix ont augmenté. Il rétorqua, faites-les baisser par la crainte d'Allah. Les prix ont augmenté. Hein? Est-ce qu'on va sortir pour crier? Est-ce qu'on va mettre des gilets de telle ou telle couleur? Est-ce qu'on va, on va bloquer l'activité du pays? Naam. Insulter les dirigeants et les autorités ou agresser des pompiers innocents? Non. Mais on va se diriger vers Allah subhanahu wa ta'ala pour lui demander d'améliorer notre situation. Mais on va se remettre en question et savoir que s'il y a un changement de situation, c'est dû à un changement dans notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il nous faut nous repentir des péchés, il nous faut concrétiser la piété afin que les prix diminuent, afin que l'abondance soit déversée sur nous, afin que la restriction soit levée, et ainsi de suite. Et il est malheureux de constater que durant le confinement, certaines personnes revenaient à Allah subhanahu wa ta'ala, se repentaient et avaient de bonnes résolutions, et se corrigeaient et apprenaient et liaient mieux les liens familiaux. Une fois qu'Allah Azza wa Jal leur a accordé plus d'abondance, leur a permis de ressortir de leur foyer, de circuler dans leur ville, leur pays, voilà qu'ils retournent au péché, ou pire encore, voici qu'ils oublient la délivrance accordée par Allah Azza wa Jal et les moments difficiles avant cela. Il faut être un serviteur reconnaissant, il faut craindre Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et celui qui nous donnait avec abondance, puis nous a privés par sagesse et équité à cause de nos fautes, est capable de nous faire imposer un confinement après l'avoir accordé chez nous, et c'est un bienfait d'Allah en réalité, il est capable de nous mettre ce confinement à l'extérieur de nos maisons. Il est capable de nous priver, de resserrer les foyers à un point tel qu'on soit obligé de rester à l'extérieur à cause d'une épidémie qui touchera les foyers. Donc craignons Allah subhanahu wa ta'ala, revenons à nous, ayons comme conviction ferme qu'Allah tabaraka wa ta'ala c'est le qabidul basit. Ainsi celui à qui Allah a donné doit être reconnaissant et donner à son tour aux gens dans le besoin, et celui à qui Allah azza wa jalla a mis une restriction, il doit savoir que c'est l'œuvre d'Allah, qu'il est sage et savant, et que c'est le bien pour lui dans cela, et il doit essayer de sortir de cette difficulté uniquement par les moyens légiférés, en revenant à Allah tabaraka wa ta'ala, en concrétisant la piété. Nous demandons à Allah azza wa jal, al-qabidul basit, d'étendre sur nous ses donations et de ne pas nous priver de ce qui nous est profitable dans ce bas monde et dans l'au-delà. Tout comme nous demandons à Allah azza wa jal d'avoir toujours husnul dhann, d'avoir toujours une bonne opinion d'Allah azza wa jal et de ne jamais se révolter face à ce qu'Allah azza wa jal nous a décrété. Wallahu a'lam wa sallillahumma wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. والحمد لله رب العالمين.